Marcel Schwab, Le retour au bercail. À Catul Mendes. C'était un dimanche après-midi et les cloches sonnaient. Le soleil éclairait la moitié des rues montantes qui menaient au bal. On y voyait passer des bandes de filles en cheveux, un ruban au cou, avec le nœud tourné sur le côté. Elles riaient et jacassaient en se tenant les bras. Passant devant le garde municipal, elles le saluaient d'un air moqueur et entraient dans la salle de danse. La lumière crue qui tombait du plafond exagérait la pâleur du visage des femmes. Elles tournaient par couple dans le grand carré autour duquel refluait une bande d'hommes serrés. Sur les bancs, dans l'enceinte réservée à la danse, des familles entières étaient assises, les mères enveloppées d'un fichu noir, tenant parfois un enfant dans les bras. Des petits garçons et des petites filles de 3 ou 4 ans qui suçaient des sucres d'orge ou qui, cramponnés aux jupes, écarquillaient les yeux. De temps à autre, une fille, tordant la queue de sa robe, venait se rasseoir près d'eux. L'une, avec sa masse de cheveux châtains relevée en cimier de casque, le buste droit, les épaules pleines, portait la tête en impératrice, ayant le nez busqué, la bouche arquée, le sourire plein de défis. Elle dansait le quadrille en soulevant à peine son jupon de 2 doigts et passait parmi les entrechats des danseurs le masque blême. Elle semblait ignorante de tous les gestes et de toutes les provocations, et son léger balancement sur les hanches était un salut à peine consenti par sa fierté. Soudain, il se fit un grand tumulte dans la salle. Une armée de nouveaux venus avait envahi l'entrée. Ils étaient accoutrés de la façon la plus étrange et paraissaient montés de la foire du boulevard Rochechouart. En tête marchait un pitre coiffé d'un gibus trop bas. Sa face colorée était complètement glabre et sa bouche mince descendait au coin vers le pli des joues. Il portait un long habit jaune tacheté en léopard dont les boutons étaient une multitude de petits miroirs. Puis venaient confusément des clowns bleus et rouges, des pierrots blancs aux yeux noircis sous la farine, des lutteurs avec des maillots lâches, un caleçon de peau, des bras tatoués et des bracelets de fourrure aux poignets et aux chevilles. Des ballerines dont les jupes de gaze étaient semées de découpures noires et or. Des arlequins moulés dans un collant fait de losanges multicolores, à ceinture de cuir, à souliers ouverts. Ils avaient les membres nerveux, cinglaient l'air d'une batte, et, sous leur bicorne, un loup d'étoffe, par les trous duquel leurs yeux pétillaient, rendaient leur figure railleuse. Des crieurs de boniments à houppelants de bariolets, des banquistes et des joueurs de gobelets, des montreurs d'entresorts, des faiseurs de poids, des équilibristes et des jongleurs, des nains et des naines, des vendeurs de secrets, des arracheurs de dents, des jocrisses et des paillasses. Et parmi cette foule, il y avait une drôle de petite créature, qui pouvait être âgée de 25 ou de 60 ans, qui tortillait son buste développé sur une paire de jambes trop courtes et se dandinait comme un oison. Enfin, une troupe de femmes turques, blondes et brunes, s'étaient ruées sur le parquet de danse. Elles agitaient leurs larges pantalons de satin, les faisaient bouffer, levaient leurs bras un peu jaunes, secouaient leurs vestes courtes les doigts passés dans leur grande ceinture et entrechoquaient toutes les piécettes sonnantes et les oripeaux de leurs cheveux. L'une, habillée tout de rouge, avec des sequins dorés sur le front, avait des cheveux noirs en frison. Elle était souple et se mit tout de suite à danser, la tête penchée. Elle souriait aux avances, pliait effrontément les mains, levait la jambe en chahuteuse, haussait les épaules pour une Carmen qui faisait le grand écart à un bout de la salle, donnait sur les bras de ceux qui ne prenaient pas garde aux figures du quadrille des coups secs avec le revers de la main, parlait en zézayant, le nez retroussé au vent, et quêtant les regards du pitre couverts de petits miroirs. Et de l'autre côté, casqué de ses cheveux, avec ses grands yeux calmes, son nez en lame mince, son profil impérial, ses mouvements sobres, la danseuse fière continuait le quadrille. Le pitre la vit aussitôt, louvoya vers elle, et, lui faisant face, lança d'extraordinaires coups de pied, tandis que ses bras s'écartaient et s'abaissaient comme des ailes de moulin. Elle le regardait avec beaucoup de sang-froid, tandis que la petite orientale rouge lui jetait des œillades furieuses. Finalement, comme la musique du quadrille cessait, le pitre empoigna la danseuse blême par la taille et la porta dans le fond de la salle, où, sous une sorte de voûte, on servait des consommations à des tables de bois. Elle ne cria pas, elle ne fit pas d'effort pour se dégager, mais elle fouettait rapidement de ses doigts la figure du pitre qui grimaçait. Elle se laissa asseoir sur un banc sans mot dire, trempa ses lèvres dans un verre de punch et regarda fixement dans le vague un point mystérieux au-dessus de la tête du pitre qui étalait ses manches, faisait claquer son chapeau à ressort, clignait des yeux et étincelait de toutes ses glaces. Cependant, la brune, avec sa veste et son pantalon rouge, s'était enfuie vers l'entrée, secouée par de grands sanglots. Elle ne cessait de dire « Je veux m'en aller, je veux m'en aller !» Puis elle s'affaissa sur une chaise devant une petite table peinte. Ses larmes traçaient des ruisseaux noirs dans la poudre de riz qui couvrait sa figure, et elle déchirait son mouchoir avec ses dents. J'étais là et j'essayais de lui parler pour la consoler, mais elle me repoussa des deux bras et continua de sangloter. Ses épaules remontaient par saccades à cause des hoquets et elle s'enfonçait la figure entre les mains. Enfin, parmi ses pleurs, elle me dit qu'elle aimait ce pitre à la folie, mais que sa conduite prouvait bien qu'il était un ingrat. Puis elle se mit en colère et cria des injures. Puis elle pleura de nouveau et elle remuait toujours la tête en disant « Je veux m'en aller, je veux m'en aller !» Enfin, elle vida son cœur et voici ce qu'elle dit. « J'ai assez de ton Paris qui mange, qui dévore, qui vomit tout. Les maisons sont remplies de femmes qui meurent et d'hommes qui les exploitent. Tous les hôtels sont de terribles repères. Tous les cafés sont des antres où quelques bêtes vous guettent. Quand on s'y amuse, on a du bois peint ou du gaz sur la tête. Quand on rit, on éclabousse sa poudre et on fait craquer sa peinture. Quand on pleure, on n'a pas d'endroit où on puisse poser sa tête sans entendre un ricanement. Si vous êtes malade, vous trouvez l'hôpital avec ses lits blancs qui ont déjà l'air de linceul. Vous êtes sali avant d'avoir aimé, et si vous aimez, une autre vous trahit. Les rues sont pleines d'affamés de pain et d'amour. On vole partout ici. On vole dans votre poche et on vole dans votre cœur. Personne n'a rien d'assuré. Rien n'est solide, même pas les vêtements. Elle mettait son costume en lambeaux. Personne n'a pitié de vous, ni les hommes qui rient, ni les femmes qui vous en veulent, ni les terribles enfants, plus cruels que tous. J'ai vu une femme, par une nuit d'hiver, sous une porte cochère, avec une troupe de jeunes gens qui la raillaient, et la malheureuse pleurait, pleurait. On n'a pas le temps d'avoir pitié, à peine si on a le temps de faire pitié. On passe du salon d'un café au trottoir de la devanture, et puis au tas que les balayeurs enlèvent le matin. C'est très vite fait, 3 ans, 4 ans, à la hotte tout ça. Je veux m'en aller, je retournerai chez nous, à la campagne. Je lui demandai ce qu'elle était, là-bas. Ce que je suis, gardeuse de cochons, sauf votre respect. Ah, comme je vais m'amuser. Vous ne savez pas, on a le ciel bleu sur la tête, du bon air, de la bonne eau, du bon pain. Il y a Pierre qui me donnera du lait. Nous prendrons des cigales dans les champs. Nous leur tresserons des cages à l'ombre. Nous fouetterons toutes nos bêtes, les noires et blanches surtout, qui ont une queue tortillée et qui sont goinfres. Nous verrons coucher le soleil. Nous serons pleins de boue, crottés, rouges, contents. Et l'odalisque s'enfuyant gagna la porte et disparut. Alors, parmi les lustres qui s'allumaient, parmi la fumée des cigares qui montaient sous le plafond, je crus voir Paris embrasé par un immense coucher de soleil, avec des reflets sanglants aux bals et aux cafés, tandis que sur les routes blanches, un peu rosées sous les derniers rayons, on voyait s'éloigner vers leur province des files de petites gardeuses de cochons, retour de la capitale, avec le mouchoir aux yeux et le baluchon sur l'épaule.